C'est la chronique des Saguenayens de Chicoutimi avec notre ami Sébastien Morin. Salut Seb! Salut! Hey, c'est Sébastien. Quelle belle soirée! Moi, pour les gens de Roberval, là, chapeau à l'organisation du hockey mineur. Une réussite sur toute la ligue. Oui, de A à Z, Hugo Maltais et son équipe de bénévoles sur place vendredi soir ont, peut dire, laissé une très bonne impression auprès de l'organisation des SAGs. Ils ont organisé ça de main de maître de A à Z. Tout était planifié au quart de tour. On était ultra... j'ai peu de qualificatifs pour qualifier l'accueil qu'on a eu de la part de l'organisation du hockey mineur de Roberval, mais aussi des gens de Roberval. La réponse publique, 1066, si je ne me trompe pas, personnes qui étaient présentes au centre Benoît Lévesque. Plein incapacité, faisait chaud, c'était le fun, il y avait du bon hockey en plus. 15 buts pour un match de hockey junior. Deux équipes qui avaient l'air de jouer un troisième ou quatrième match. On n'ira pas jusqu'à 7, ça serait trop exagéré, mais en série éliminatoire, c'était magnifique de voir le spectacle là, vendredi soir du côté de Robert. Et les deux équipes avaient pratiquement leur alignement complet. Hein? Exact, il manquait Kevin Fitzgerald et Denis Sien du côté des Cataractes, puis du côté des Sags, Frédéric Allard et Dimitri Zoukenov. Mettons NHL 84. 15, là, ce serait peut-être même le même genre de calibre de joueur qui manquait sur la patinoire à ce moment-là, mais les deux équipes étaient affamées. Claude Bouchard, Yannick Jean étaient derrière leurs bancs respectifs. On avait habillé en plus des recrues de chaque côté qui venaient de la région aussi. Un beau setup, là, un beau scénario, une belle histoire, puis quel match de hockey. Ouais, effectivement. Des beaux jeux, des retours dans le match, des bons contacts physiques aussi. Il n'y a pas eu de combat, mais on voit qu'un match peut être physique sans qu'il y ait de la bagarre dans le hockey. Ça a été tout un spectacle. Hey, mais tu vas me dire de quoi? Pourquoi les joueurs, les Saguenayens, leur nom n'était pas dans le dos, hein? Parce que ça va se faire au cours de la semaine prochaine. C'était pas l'équipe complète, c'est les championnats de l'an passé. Donc, ça va se faire au cours de la semaine prochaine. Je pense que pour le match du 9, vu que l'équipe sera complète et qu'il n'y aura plus de changement contre les Remparts de Québec au Centre Georges Vézina à 19h30, il n'y aura pas de cachette. Là. Ça va être les numéros et les noms dans le dos. Puis de toute manière, il va y avoir beaucoup de changements. T'sais, Ryan Verbeek portait le 22, mais j'imagine qu'il aura le choix de son chandail et d'autres nouveaux aussi comme Vincent Lapam et des gagnés aussi qui a très bien fait du côté de Roberval avec le filet gagnant en prolongation. Eux aussi auront le choix de leur numéro, donc on va mettre les noms au courant de la semaine prochaine. OK. Tu parles de Ryan Verbeek. Il a prouvé, en tout cas, c'est sûr que c'est des matchs pré-saison, mais quand il y a des gens qui sont allés chercher, les recruteurs disaient qu'il était un gars capable de marquer entre 25 et 30 buts cette année, puis il l'a prouvé jusqu'à maintenant. Exact. Deux passes vendredi. Ça a été un peu plus complexe, un peu plus tranquille du côté de Shawinigan, mais l'horaire était assez chargé avec le report du match de mardi à jeudi avec l'accident qu'il y avait eu dans le coin de Fontaine. Le Drakkar qui n'avait pas pu se présenter au Saint-Georges. Ça a enlevé la journée de jeudi de congé. Puis on avait déjà planifié un tournoi à bout de souffle samedi où les joueurs ont taxé beaucoup d'énergie. Pas physique, mais cardio se fait aller dans un tournoi à bout de souffle. On patine de côté comme de l'autre et on joue pendant longtemps, des longues périodes. On étire ses présences sur la patinoire. Et hier, en troisième période, ça a apparu. Là, les Cataractes ont renversé la vapeur. Le pointage est encore serré après deux périodes, mais en troisième, ça allait. Je veux te parler de Mathieu Desgagnés, Sébastien. Est-ce que depuis le début des séries, des matchs pré-saison, est-ce que c'est le meilleur, la plus belle surprise? Un tir des majeurs avec une très belle photo d'ailleurs du photographe des Sags. Tu peux le voir sur la page Facebook des Saguenay. On va dire que la rondelle dans le coin, il ne peut pas plus dire comment c'était spectaculaire ce but-là. Il a des mains incroyables, va être utilisé dans un rôle offensif dès sa première saison chez les Sags. Il n'aura pas besoin de se prouver défensivement. Je pense que Yannick Jean a vu tout le potentiel, le flair offensif de ce joueur-là. Puis dans sa tête, il pense qu'il croit qu'il va pouvoir marquer beaucoup de buts dans les prochaines années. Donc cette année, peut-être pas utilisé à outrance dans des situations à 5 contre 5, t'sais, peut-être quelques minutes, 4-5 minutes par match de ce côté-là. Mon avantage numérique sur la deuxième vague et assurément 3 contre 3 et en tir de barrage sera utilisé par l'entraîneur-chef Yannick Jean pour la prochaine saison. OK. Maintenant, hier... avant de parler d'hier, Jean-Simon Bélanger, qu'est-ce qui se passe avec là? Il a compté un but à Roberval. Est-ce que son poste est gagné? C'est une bonne question. La réponse va tomber dans la prochaine heure. Yannick Jean doit rendre l'alignement, en fait son alignement de départ pour la prochaine saison. Tous les joueurs qui avaient des engagements ou devaient aller vers le cégep et les écoles secondaires à 10 heures ce matin. Après ça, les mouvements de personnel seront terminés, à part pour ce qui est des agents libres dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et aussi dans la Ligue de l'Ontario et dans l'Ouest. Là. On connaît Yannick Jean maintenant, décide d'aller piger dans les autres provinces. Et jusqu'à présent, ça a été plutôt payant. Donc, se garde un petit peu de manœuvre, je pense. Et la décision dans le cas de Jean-Simon Bélanger sera donnée dans les prochaines heures. Je ne l'ai pas, honnêtement, Danny, je te l'aurais donné. Surveillez les communiqués de presse dans les prochaines heures. Je vais vous envoyer ça dès que j'ai la réponse de la porte. Ton pif! Écoute, c'est très serré. Ouais. Jean-Simon Bélanger, le défaut de ses qualités, c'est un joueur qui a beaucoup d'aptitudes offensives, mais en même temps, c'est pas le joueur où on voit le plus sur la patinoire pendant 60 minutes. Non. Il aurait peut-être avantage à améliorer son jeu défensif. Je trouve ça ultra plate parce que j'aime les joueurs de ce type qui ont un bon lancer, qui ont des bonnes aptitudes offensives, qui sont capables de marquer des buts. Mais en 2016, les entraîneurs veulent que ça joue défensif aussi, que son soit bon sans la rondelle de la part d'un joueur de hockey. Je pense que c'est de ce côté-là qu'il y a Bélanger. Mais écoute, c'est un pile ou face. Il reste un ou deux postes de disponibles avec les Sags. Yannick Jean va prendre la décision. Ou c'est déjà fait dans le cas de Jean-Simon Bélanger, mais dès que j'ai le communiqué de presse, je vais vous l'envoyer. OK. Ben merci beaucoup, Sébastien. On s'en parle la semaine prochaine. J'aurai un plaisir. À la prochaine. La voix des Seigneurs de Scutimi, Sébastien Morin.